Line Line-in? Aïe, aïe. Oui, oh. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, hein, line-in? Ouais. C'est pas normal? Ah bon, ok. Ça va mieux? Oui, ça va. Allô, allô, allô, mes amis, allô, allô, mes amis, allô, allô, mes amis, allô, mes amis, allô, mes amis, allô. Mais non, tombez pas à l'eau, là. Restez des nôtres sur la terre ferme. Quoique vous pouvez m'écouter sur votre bateau. Oh mon bateau, il est beau mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, tu es le plus beau des... Bateau, okay. Alors, nous sommes quand, Line-in? Maintenant, exactement. Maintenant, c'est aujourd'hui. Et comment on fait pour se rendre à maintenant? Il faut passer pour hier, oui. Et puis, après ça, non, sans sauter sur demain. Ça, c'est, il faut rester ici et maintenant. Et après ça, OK, garde, reste ici, bouge pas. On va passer le générique, là. Puis on va... mais avant, là, t'as-tu un peu d'argent pour moi? Ouais, mais c'est parce que je reviens d'Europe, hein, ça coûte cher, l'Europe, hein. Je paye des coûts à tout le monde, moi, là. Puis il y en a des généreux qui m'en offrent. Mais c'est à peu près 98% des chances que c'est moi qui paye. Puis, il y a quelque temps, j'ai presque ne pas pu me présenter là-bas parce que je voulais pas renouveler mon passeport. Ça, vous le savez, vous me connaissez. Vous connaissez l'histoire. En fait, parce que je veux me préparer à ma retraite. Dans 3 ans. À 60 ans. Pendant que je suis vivant. Et puis, là, j'ai tout donné mon argent. Puis là, il me reste juste 24 cents. 24 cents. T'aurais-tu 2 cents? S'il vous plaît. Pourquoi? Ben, parce que il manque 26 sous. Nous sommes le 26 sous! La comprends-tu? Oh! Oh! Hey, viens-t'en, toi! Oh! Hey, voilà. Oui, merci. Oh! Bon. Elle a le hockey. Tout va bien, tout va bien. Tout le système sonore se porte comme merveilleux. Comme, oui, là, oui. Oh! Hey, vas-tu passer, toi? Hein? On y va! Advienne que pourra. Oh, aujourd'hui, le lundi 26 août 2024. Monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mes amis, c'est Kairénien, c'est Kairénienne. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Hey, c'est bien moi. Alors oui, on parlait de aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Alors pour nous rendre aujourd'hui, ben il fallait être hier, mais sans passer par demain. Hein? Jusque-là, ça va bien? Line-in? Elle m'écoute, est dans la lune. Elle est belle dans la lune. Hein? Elle est comme hypnotisée. Quoique, il y a beaucoup d'auditeurs de CKRL à cette heure-là sont hypnotisés en se disant que c'est ça cette émission-là. C'est normal. Ne vous en faites pas. N'appelez pas la police ni les pompiers. Restez chez vous. Barrez vos portes. Les rangs rénaldiens et partout sur la planète francophone. Donc, s'il y a des amis à vous en Allemagne puis qui ne parlent pas français, ben faites-vous en pas, je rentre pas là. Et non, moi je rentre pas. Aux États-Unis, elle est francophone, votre fille, madame? Non? Bon, elle a pas de problème non plus. J'irai pas là. Non, je suis comme le bonhomme 7 heures, mais le bonhomme francophone. Ouais. Puis moi, je passe pas juste à 7 heures. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire l'insignifiant, donc? Ah oui! Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui? Voilà, c'est un moment précis. Quand on parle de moment précis, on parle de temporalité. Et quand on parle de temporalité, on parle de temporel. Ah, oh, tout ça pour arriver à ça. Quel beau détour, Guy Béard. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. D'une rencontre au bord de l'eau ne reste que quatre initiales, et de cœurs taillés au couteau dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Sur le vieux comptoir, tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos 20 carats qui depuis se sont fait la paire. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux doigts qui tous ont laissé quelques je t'aime auprès d'une autre. Dans ce petit bal mal famé, c'en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé et pour que tu le reconnaisses. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le nôtre. Guy Béard. L'histoire de ce disque, en fait de ces trois disques, c'est que lors de mon voyage à Paris, en 2024, je vais toujours manger à un moment donné au restaurant Luna. Et je mange ma bavette avec leurs frites uniques qui, lorsque vous les regardez et vous les touchez, sont concaves et croustillantes. Donc, c'est délicieux. Et même, j'ai pris un faux filet pour faire changement. Non, mais c'est la première fois que je prenais le faux filet. Bref, mais avant d'y aller, on passe par... on marche au-dessus du cimetière Montmartre pour arriver dans un petit coin où j'ai souvent des beaux CD qui m'attendent avec des DVD, un prix ridicule. Et moi, c'est 1 euro. Il vend la plupart de ses trucs 1 euro, que ce soit un DVD ou un CD. Et comme je suis séraphin, presque poudrier, je m'en choisis 14. Alors, ça devrait coûter 14 euros. Et je lui dis, est-ce qu'on peut s'entendre pour 10 euros, s'il vous plaît? À chaque fois, l'homme me dit oui, même si ce disque-là était un triple disque avec les chansons de Guy Béard. Et pour venir à Guy Béard et non pas à l'achat de ce petit coffret de 3 disques, savez-vous qu'il a été gravement malade? Mais il est décédé, oui, il y a quelques années, mais il est le père d'Emmanuel Béard. Et c'est de là que vient « Elle est tendue, non, non, non, elle est comme l'eau vive. Bon. » Et après son cancer, il s'est arrêté de faire des chansons et des disques. Il est revenu en force avec une chanson, et c'est celle-là. Après, on parle plus de lui. Avant la prochaine fois. Et voici, en plus, c'est très, très rythmé, vous allez voir. Et c'était le retour en force de Guy Béard après son cancer. Oh, excusez, je tiens à vérifier mes petits... parce que ça va cricher, OK? Oh non, c'est terminé. OK, parfait. OK, c'est merveilleux. Je croyais que ça allait faire... parce que lorsqu'on écoutait la chanson chez Temporel, vous avez entendu un hein, des... Mais c'est pas votre radio, c'est pas... Non, c'est moi. C'est moi, c'est ma console. Alors, on y va avec la chanson qui s'intitule « Demain, je recommence ». Vas-y, mon Guy. Non, c'est pas celle-là, Guy. Guy, c'est pas celle-là. Non. Elle est plus rythmée, elle est rigolote, elle est vraiment géniale. On y va. Avec « Demain, je recommence ». Vous avez être demi. Faites-vous en pas, hein. Là, ça commence doux, mais il raconte un peu son histoire. Là, j'arrête, OK? Vas-y, mon Guy, tu le mérites. Petit à petit, tout s'effiloche, tout finit. Je ne reçois plus que des taloches de ma vie. J'ai le cœur qui fait la gueule, mais je pédale encore tout seul. Je me retrouve au fond de l'eau, à vélo. J'ai sonné portes et portes, téléphone. Pour moi, les maisons sont mortes, plus personne. Quand je fais la queue, je suis tranquille. Je choisis la mauvaise file. Comme ça, j'ai affaire, j'attends, j'ai tout le temps. Mais demain je recommence, mais demain je vais retrouver ma chance, c'est certain. J'ai gardé comme une flamme qui éclaire un peu mon âme. J'ai craqué une allumette dans ma tête. Adieu ma chance, adieu destin, je recommence. Et demain reviendra le matin. Je ne suis plus depuis une paye dans le cou. Toutes ces pubs quand je me réveille, ça me rend fou. Je ne sais plus ce qui se trafique en politique, en musique. Les nouvelles en mal, en bien, ça me dit rien. Je n'ai plus de pièces de rechange pour rouler. Maintenant tout le temps ça change, c'est le progrès. Je l'ai cassé ma courroie, mon klaxon reste sans voix. Je n'ai même plus ma voix de garage au chômage. Mais demain je recommence, mais demain je repars en ambulance à Cochin. Ils vont me guérir bien vite, après quoi je prendrai la fuite. À pied, à cheval, à Bécane, à Sainte-Anne. Adieu ma chance, adieu destin, je recommence, et demain reviendra le matin. Je ne vous entends plus mes proches, mes copains. Vous avez vos femmes, vos mioches, je le sais bien. Je ne vous entends plus les gars, dans ma tête y'a du dégât. Vous ne me reconnaissez plus, c'est bien vu. Où es-tu, ma douce, ma belle, reviens-moi. Toi qui me donnais des ailes autrefois. Mon cœur est cuit désormais, après toi je peux plus aimer. Je vais tirer un coup en l'air, c'est moins cher. Mais demain je recommence, mais demain je retrouverai la romance des câlins. Il fera chaud en plein décembre, une fille dans ma chambre, un lit à deux, jamais froid, bien étroit. Bonjour ma chance, bonjour destin, je recommence, et demain reviendra le matin. Attention, on y va. Mais demain je recommence, mais demain tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Je vais retrouver ma chance, c'est certain. J'ai gardé comme une flamme qui éclaire un peu mon âme. J'ai craqué une allumette dans ma tête. Dans ma tête, oui. Ouha! Guy Béard. Et dans ce même endroit, où c'est à l'extérieur hein, en passant, puis quand il pleut, ben il y a 3 ans, il a fait vraiment, il y a eu un orage violent, et tous les disques, les livres, parce qu'il y a plein de choses, ont été humidifiés, pour ne pas dire inondés. Et l'année suivante, ben là, il y a eu ce que vous savez pendant 2 ans. Et après, quand je suis revenu, en 2023, ben, ils n'avaient rien à vendre en CD puis en DVD parce qu'ils m'avaient dit que tout était une perte totale. Ben, j'ai dit, vous devriez essuyer tout ça. Puis, ils m'ont écouté. C'est fou, hein? Un Québécois, ils m'ont écouté. Et cette année, en 2024, quand j'ai passé à cet endroit, là, en allant chez au restaurant Luna pour manger ma bavette avec mes frites, concave. Donc, je suis tombé après ça. Guy Béard, merci, hein, parce que là, après, on se retrouve aujourd'hui, là, pendant toute l'émission. Ben là, il reste pas beaucoup de temps. Puis, on va dégénérer, faites-vous-en pas, là. On va rentrer en transe, puis on va faire une errance rénadienne ensemble. Mais je voulais aussi vous mettre en circonstance, là. Je suis arrivé sur un disque que je connaissais pas, qui s'appelle Castafiore Bazooka. Le disque est emballé. Quand je l'ai acheté, il était emballé, neuf, jamais utilisé. Je l'ai eu à 1 euro. Hein? Comme toujours, deux disques à l'intérieur. On va entendre une première chanson et après ça, tout le reste, ce sera de ce groupe qui s'appelle Castafiore Bazooka. Donc, la chanson que nous allons entendre à ce moment précis, que je n'ai jamais entendue, donc, c'est Battement de cils. Alors, on y va avec le groupe. Est-ce que vous en souvenez, Mme Tremblay? Ah, mon Dieu, c'est la gomme Bazooka. Presque ça. C'est Massa mort, bien mort, Bazooka. Non. C'est ça, là. C'est ce que vous avez dit, là. C'est Casta. Castré, M. René Gagné. Castré, M. Rénal Gagné. Hé, pourquoi vous avez parlé de mon père? Ah, mais je sais pas, là. René, Rénal. Non, ça n'a rien. Ben oui, c'est deux R. C'est vrai, vous avez Rénal. Vous avez raison, vous avez Rénal. Vous avez Rénal. Quand vous avez Rénal, vous avez raison. On y va. Toum. Toutoum. Hein? Indocile, battement de cœur, instant qui meurt. Battement de cils, indocile, battement de cœur, instant qui meurt. Instant qui naît, qui disparaît, tout aussi fragile qu'un battement de cils. Indocile, battement de cœur, instant qui meurt. C'est merveilleux! C'est extraordinaire! Et donc, je les rencontrerai peut-être en 2025. Je vais faire mon enquête. Là, quand j'aime ce genre de musique-là, parce que c'est rafraîchissant, c'est répétitif, c'est ludique, c'est formidable. Comment ça va, vous, mes amis? Oui, je sais, ça fait déjà 20 minutes que c'est parti, là, mais il n'est jamais trop tard pour s'informer de vous. Et puis, votre été, avez-vous fait un jardin? Avez-vous connu l'amour. L'amour de, hein, un amour d'été, comme dans le livre incroyable, qui, selon moi, a bien vieilli. Mais j'ai discuté avec un professeur de littérature à Québec, pas à Paris, qui m'a dit que ça n'avait pas très bien passé les années. C'est François Sagan. Bonsoir, tristesse. Est-ce que c'est bonjour ou bonsoir, monsieur? C'est bonjour, bonsoir. Bonsoir, il est parti. Elle est partouze. Elle est partouze dans le tapeux. Ah non, non. Oui, j'ai un petit blanc. Bonsoir, tristesse. Je crois que c'est bonsoir. Bonsoir, tristesse, comment... Oui, bonsoir, tristesse. Chanson de Nicole Martin. Ah ouais. Ah, ben ça, je le savais. Ah, ça, je le savais pas. C'est, mais on reprend François Sagan. Moi, j'ai toujours... Quand j'étais petit, je croyais que c'était François Sagan. François Sagan. C'est bonjour, tristesse. Bonjour. Pour Nicole Martin, c'est bonsoir. Alors, la tristesse est soit le jour ou le soir. J'aimerais que quelqu'un écrive. Peut-être ce sera moi. Bonne nuit, tristesse. Dors mal. Extirpe les cauchemars qui arrivent dans mon cortex cérébral à toutes les nuits. Quand je pense à cet été 2024, mais Duras avait fait, elle, été 80 ou 1980. C'était vraiment un journal des nouvelles, les petites nouvelles qu'elle laissait dans Libération, le journal Libé. Ration, on dit Libé, hein? On dit Libé, là, hein? On dit pas Libération, c'est trop long, on dit Libé. On dit Exhibé aussi, mais on dit pas Exhibé. Parce qu'on dit pas que, on sait pas ce que ça veut dire. Ex-bonsoir, ex-bonjour, ex-bon. Est-ce que ça va bien? Ex-bon. Ex-bon, ex-bon, ex-bon. On dirait que j'ai une trompe. Et, hein, quand la chanson de mon ami, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami, ça jamais été. Ça sera jamais. Ça peut être ton ami un jour. Qui s'appelle. Je le vois là. Je vois celui de c'est Sagnon, non, pas mal. C'est James Bond. Vous savez, hein? Il a à peu près 80, lui-là, là, puis il chante comme s'il y avait 40, là. Eh, monsieur, un Américain qui chantait, même pas le Suisse, Matt Gigi. En tout cas, peu importe. Quand je vais m'écouter, je vais dire, ben oui, c'est ça, c'est lui. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Je lis sur le bout de ma tête. Sur le bout de ma pensée. Moi, c'est pas la langue, c'est le bout de ma pensée. Jones. Paul Ginge. Jones. Tom Jones. Attends, j'ai lu Tom Jones. Parce que j'ai pensé au Tom Pousse de mon oncle Gaston. Oui, et il a trouvé le téléphone, lui. Ah, ben là, il a trouvé la personne qui répond, hein. C'était, ça répondait quand on appelait Gaston quand il travaillait, c'est... Bonsoir ou bonjour, hein, c'est comme ou bonne nuit. Non, les autres étaient pas. C'est le jour ou le soir. Alors, bonjour, Marie-Antoinette, restaurant Marie-Antoinette, puis-je vous servir? Non, puis-je prendre votre commande? Non, ils faisaient pas de livraison à l'époque. Non. Tom Pousse. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, Tom Pousse, Tom Jones, Tom Body Bum, Bum, Tom Body Bum. C'est une chanson de Jacques Higelin. Oh, bon, les bum, bum. Et j'ai rencontré. Non, c'est une autre histoire, ça. Il y a plein d'histoires dans l'histoire. Eh bien, il faut ça, les histoires dans les histoires. Puis, quand, exemple, ça parle de cinéma, c'est un film qui parle de l'univers du cinéma. On appelle ça une mise en abîme. Je sais que tu le savais, là. Non, je suis pas. Moi, je suis pas la. J'ai pas la tête à Rockefeller, mais ah non, j'ai la tête partouze. Ah, elle est partouze, et surtout sur mes épaules. Puis quelquefois, assez souvent, on va changer. Peux-tu enlever, Raymond, enlève quelquefois pour souvent. Elle est souvent hors de ma tête. Ah oui, elle est partie, là, un peu comme Brazil. Avez-vous vu le Brazil? Robin Williams, qui monte dans le firmament, sans sa mère. C'est quand même dangereux de monter dans le firmament, sans sa maman. Parce qu'on ne sait pas où on peut arriver. Mais si tu es dirigé par ta maman, le firmament ne pourra pas être diabolique ou machiavélique. Alors, Brésil, les deux têtes, celle de la reine et celle du personnage de Robin Williams, font l'amour. Le corps est sur Terre, mais la tête est dans l'espace. C'est merveilleux. Je l'ai acheté grâce à... toujours à rabais. Ben oui, non, mais pas à Paris, sinon à Québec. Vous savez, Facebook, un magasin, là, comment, Marketplace, là. Et il m'a presque donné. J'ai acheté 15 DVD, dont un truc incroyable. Je vous parle de mes DVD aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Il y avait là-dessus Apollo, tu sais, la mission Apollo, laquelle, ah, bon, il faudrait que je me lève, mais sinon, mais je la vois, elle est juste à côté, mais elle est cachée par un autre DVD. Et puis, c'est vraiment 5 DVD avec 12 DVD. J'ai eu ça pour 20$. Il y avait Brésil, version française. J'étais vraiment comme à la veille d'un spectacle. Tu sais, un spectacle devant 2000 personnes. Là. Ou comme Johnny Hallyday devant 10 000 personnes à Bercy. Non, Bercy, c'est pas 10 000, mon cher monsieur. C'est 14 672 personnes. Et si la dame est enceinte, ça fait la demi. Et s'il y en a deux, bien, ça fait une entité. S'il y en a trois, ça fait une entité et demie. S'il y en a quatre, ça fait deux entités. Si... OK, merci, là. Vous êtes en mathématiques, non? Je suis en furie. Parce que j'ai tenté d'avoir un album, pas un album, mais un billet de Johnny Hallyday la semaine dernière. Oui, mais c'est dur de l'avoir la semaine prochaine, hein? Quoique, oui, c'est plus difficile, oui. Après réflexion, qui a duré combien de temps? Vous étiez à votre chrono, vous, là, là? Moi, j'ai calculé que ça a pris au moins 3 secondes d'intelligence, mais comme il n'y en a pas, on va dire 3 secondes de spasme. Oh, c'est beau, spasme. Qu'est-ce qu'un spasme? Brigitte, qu'est-ce qu'un spasme? Lorraine, qu'est-ce qu'un spasme? Marilyn, qu'est-ce qu'un spasme? Tout, tout, poutou, pitou. C'est KL, le 89.1 à Québec. Tu vends de sa maman. Tu vends de sa maman. Tu vends de sa petite maman. Sa petite maman. Sa petite maman. Qui est là depuis 9 ans. 9 ans, 9 mois. 9 ans, 9 ans. Voyons donc, oui. J'ai 9 ans, maman. Non, non, 9 mois. C'est assez 9 mois, là. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il paraît selon la nature, c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. On va y croire. On va y croire. On va y croire. C'est pas des imbéciles, eux. Ils ont fait des études universitaires. Puis... mais avant, avant même que tout ça soit étudié, là, c'était la nature. C'était la nature. On savait que ça prenait 9 mois. La cigogne n'existait pas. Ben, elle était là, mais elle était au chômage. Puis avant ça, ils avaient fait la grève, fait que là, ils ont décidé que les mamans allaient mettre les enfants au monde par leur bedaine, ça allait sortir. Par on sait pas où. Par on sait pas où. Par on sait pas où. Par on sait pas où. Par un canal. Par un canal. Par un canal. Par un canal. Par un canal. Par un canal. Glissant. Glissant. On peut dire que c'était un miracle. Un miracle. Un miracle. Hey! Hey! Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On est là, on attend, hein? T'es couché! Le médecin n'est pas là, l'anesthésiste, le radiologiste, l'animateur de CKRL, Renan Gagné, où sont-ils? Où sont-elles? L'infirmière, voyons donc, toi, t'es couché là, aïe aïe, ça fait mal, aïe aïe, ça fait mal, c'est sûr. T'as même pas été anesthésié, quoi que, hey, anesthésié, oui, c'est ça que ça veut dire, oui, oui. Fais-toi en pas, ma chérie. Fais-toi en pas, ma chérie. Prends ma main. Prends ma main. Prends ma main dans ta main et l'unique dans le ciel. Je chanterai pas, je sais, ça te fait en furie. Ah oui, oui, j'ai pas de succès envers toi. Non, non, non, j'ai un succès mondial, mais. Dans ma tête. Dans ma tête. Tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête. Ton accouchement. Ton accouchement. L'histoire que je viens de raconter. Puis bien d'autres affaires que j'ai le goût de vous parler. Des codons, des codons, les fossiles, des codons, des codons, des codons. histoire de poncif. Oui, monsieur! Un retour en force. Tellement un retour en force qu'on ne voit pas les attendre. Oh, OK. C'est plus qu'un retour en force, là. On ne voyait même pas les cheveux. On voit à peine le visage. Et Dieu merci. Ça, je parle des gens qui nous regardent à la télé. Je sais pas si on doit ressaisir. Qu'est-ce qui se passe avec l'iconicité de l'autre côté, mon remarque? C'est Gertrude. Ben oui, c'est toujours la faute des autres. On dirait que je suis un mètre. Non, un nain de 1,80 m. Est-ce qu'on peut baisser quelque chose? On passe à la musique ou. Non, mais regarde-moi les énergumènes. Ils ont dit amenez l'artiste, c'est moi. L'artiste, excusez-moi, là. Mais là, je vous vois le micro en l'air, puis c'est comme disproportionné. Je me sens pas confortable. On aime ça dire ça, hein? Surtout quand on est à quelques millimètres de la mort, là. Monsieur Gagné, c'est votre infirmier attitré, là. Êtes-vous confortable? Ah. Alors, on dirait que j'ai le noyau qui va fondre. Normal. Voyez-vous la main? Ouais, oui, il y a un son. Non, on voit pas la main. Bon, vous n'êtes pas encore prêt, monsieur. Gagné. La lunette cogne, puis je me sens un peu irréel, là. Je regarde juste ça, ça fera pas une bonne émission, je te le dis, mon remarque. Là, mets-moi dehors cet énergumène qui... je peux pas baisser ça. Si ça se baisse, ça se baisse par où, puis pourquoi ça baisse pas? Oh, ça baisse... Oh, attendez, on a trouvé la chose. Ah, oh, c'est tellement simple. Je vous retrouve public, je vous embrasse, je me sens très à l'aise. Monsieur Gagné? Oui. Monsieur Gagné? Oui. Êtes-vous confortable? Ah, je suis très, très, très confortable. OK, vous allez partir. Hey, pas là, là! Hey, wow! Hey, laissez-moi quelques minutes, au moins 120 minutes avant de partir, là! Moi, j'ai pas de billet de retour là-dessus, là! C'est unidirectionnel, c'est pas bidirectionnel! Parce que ça, je pensais à mon ex qui était bi. Mais monsieur, que de beaux souvenirs! Je rêve de ton corps, je rêve encore. On va partir. On est parti dans le vent, dans le vent. On est parti dans le vent. Hey, laissez-moi vous dire, monsieur public, monsieur le public, mademoiselle la publiciste, non, la scénariste, s'il vous plaît, la scénariste. Là, c'est de la respiration surnaturelle, ça. Hey, là, saviez-vous que maintenant, ce qu'on vous propose, c'est du nouveau matériel. Merci à Camessi, c'est Massamara. Là, j'en ai planté avec Gertrude hier. Là, ça va pousser en 12 heures. On fait cette émission-là dans 18 heures. Donc, il est moins 3 heures. Puis, c'est le Greenwich. Greenwich, laitue, mayonnaise. Pas trop de mayonnaise, mais beaucoup de laitue. Mmh. Je me sens comme une chèvre quand je mange de la laitue. Moi. Ah, je la chic. À la fin, là, je suis tellement plus là que je la fume. Ah, fumer de la bonne laitue, laissez-moi vous dire que ça digère bien. C'est un bien cuit pour la laitue. Mais le problème là-dessus, là, pour les gens qui connaissent la laitue, c'est que c'est un membre, ça. Quoi? C'est un membre. La laitue, c'est un membre. Ben oui, c'est un membre des végétaux. Oh! Et les végétaux sont mes amis. Ah, oh, ça! Faut pas dire le contraire, là, quand on te regarde. C'est vrai que les végétaux sont mes amis. Les végétaux, allez-y! 1, 2, 3! Hey, les avez-vous entendus? Non. Ben c'est ça, vous êtes pas des végétaux. Parce que pour connaître le végétal, pour discuter avec le végétal et pour être en communion avec le végétal, faut être matinal. Hey, ces plantes-là, ça pousse pas pour rien, puis ça pousse pas n'importe comment, puis ça pousse pas à des heures incongrues, ça, là. C'est discipliner le végétal. Oh. C'est un monde à part. Oh, c'est pas le monde animal. Oh, mon... Ça se souvient de rien, mais ça pousse, ça pousse. C'est beau, ça resplendisse. Dis chaud. Non, c'est... Moi, c'est de la laitue. Ah! Puis là, la laitue, c'est composé d'eau. Hein? J'ai analysé ça, là. Faites une prise de sang de la laitue. Vous, monsieur Tremblay, vous pouvez-vous... moi, je vais ma seringue. Ben, enlevez-vous ça du bras, puis rentrez ça dans la laitue. Non, il est en pleine compensation, là. Puis, ah, mon Dieu. Malheureusement, les diabétiques doivent payer pour les 5, mais ici, les junkies, c'est gratis. C'est une affaire là, qu'il faudrait évaluer, puis comprendre, puis essayer de revendiquer. Là. Arrêter, c'est bien beau être un étudiant, là, mais il faut aussi réfléchir sur d'autres problématiques sociétales, dont celle-là. On met pitié, les petits jeunes, on les embrasse, on les aime, les étudiantes, là. Oh, surtout les étudiantes, hein, qu'on les aime. Hein. Et là, ils se disent, je suis dans le vent, dans la raison, mais dans la maison. C'était le début. C'est le début d'un temps nouveau. C'est le début. Du bâtiment, si on pouvait voir le soleil, s'il y en avait. Mais le ciel est toujours blanc, y'a comme un voile posé devant, et souvent, souvent souffle un vent mauvais. J'ai mis la villa dedans, avec ses frères et ses parents. Elle parle plus depuis longtemps. Glisser. reviens de Paris. À l'heure où on se parle, ça fait à peu près 2h30. Je suis débarqué de la... Comment t'appelles ça? Des douanes? Ah, oh, mon Dieu. Ils m'ont laissé là. J'ai gagné votre passeport. Oui. Oui. Raymond, c'est parce que monsieur l'agent de la Macédoine. Ah, de la Macédoine. Parlant de végétaux, êtes-vous l'ami des Macédoines? Êtes-vous dans la famille de la Macédoine, monsieur le douanier? Ça comprend pas cette affaire-là, là. Ça fait partie des forces constabulaires, ça, là, le douanier. Là. Un petit côté de droite qui m'énerve, là. Ça m'énerve, moi. Non, je les embrasse, toutes les douanières. Là. Ah, elles ont été respectueuses. J'ai dit, soyez réglo avec le toucher rénal, là, parce que moi, j'étais à Paris, là. Je reviens de Paris. J'ai bien mangé, mangé. Je me suis fait manger par les abeilles. Ah, ça mange, ces affaires-là. Ah. Des grosses abeilles, c'est comme des jets. Je sais que les gens vont me dire, ouais, mais excuse-moi, là. Je crois bien comprendre pourquoi tu voyais tes abeilles aussi gros que des jets. Oui, comment ça? Je vais te le dire. Ben, dites-moi là. Ben, attendez, là, je vais remettre mon cerveau en mode végétal. Allez-y. Parce qu'on sait qu'à Paris, il y a beaucoup de vignes. Oui. Il y a beaucoup de vignes. Oui. Du rouge, du blanc, du rose. Oui. Il y a du champagne. Ben oui, il y a du champagne. Surtout le champagne. Moi, je suis côté champagne lézard. Non, c'est champagne et... comment t'appelles ça, les œufs de Montosaur? Mais non, voyons, faut être riche, là. Ben, moi, je dirais des œufs d'abeilles. Des œufs d'abeilles. Ah, mon Dieu. Attendez, là, je sais que tout le monde me le souffle, là. Arrêtez de souffler, j'entends trop mal. C'est du caviar. Bon, hey, c'est quand même bon, hein? Ça vient de loin, caviar, là. On était, moi, je suis un mineur de mots. Je suis descendu à 3 cm de mon cerveau. Là, j'ai regardé avec ma longue vue, et je n'ai pas de longue vue, parce que j'avais oublié mes lunettes, donc j'ai une petite vue. Une petite vue très, très, très, très limitée. Ayant le cerveau limité, tout est limité là-dessus, là-dedans, c'est bon. Et tout à l'heure, on va mettre un point final, c'est bon. Et vous le verrez pendant toute l'émission, est-ce que c'est limité? J'ai gagné votre passeport. Oui, attendez-vous là, monsieur de droite, là. Moi, c'est de gauche, là, pas pressé, moi, là, la liberté, fraternité, voulez-vous un petit... j'ai du champagne, j'ai amené 2 caisses de champagne, Comment ça, j'ai les doigts juste à 2? Rita! Attachée de presse. Rita! Détache-toi de là, là! Elle est avec le douanier, t'es en train de faire de la courtisane. Lâche le courtisan! Tu ramènes pas ça chez nous, là! Moi, la droite, plus c'est loin, mieux c'est, là! Hey, ça représente la loi, cette affaire-là! Regarde-moi la capiche, puis bonjour, vous venez de Paris! Ben oui, je viens de Paris! Avez-vous des choses à déclarer? Ben oui! Elles sont belles! Elles sont douces! Elles sont câlines. Je parle pas de la bouteille de vin. Je te parle des Parisiennes. Ah, c'est... Hey, moi, j'ai craché à Pigalle. Okay? J'ai craché. Mais là, quand j'ai craché, je me suis dit, c'est-tu comme au Québec? Quand tu craches au Québec, c'est 250$ d'amende. Là, avant de cracher, je vérifiais s'il n'y avait pas un flic ou un marin ou je sais pas quoi, un légionnaire. Ou, il y en a pas mal de ce monde-là, là-bas. Là. On sent que Sarko est parti, là, mais il y a de la droite encore derrière, là. Là, je fais attention à mon derrière, parce qu'à Audouane, ils m'ont vérifié partout, là. J'ai dit, hey, arrêtez de faire ça, on dirait que je suis dans une grande fête. Après le vendredi, à moi le vendredi, c'est là que ça se passe. Oh, les méga partants, ça, on fête. C'était sur Boom. Ouais, je sais. C'est pas le temps, oui. Hey, mais en tout cas, pendant tout mon voyage, on va faire ça rapide, les douanes, monsieur. C'est ça que vous vouliez me dire, hein? Monsieur Gagné, votre passeport. Hey, mais attendez, là, pourquoi vous me dites, monsieur Gagné, mon passeport? Si je n'ai pas montré mon passeport, pourquoi vous savez que c'est monsieur Gagné ici? Hein? Il a l'air... Non, regardez la lunette, là. Il a l'air d'un imbécile, là. Hein? Regardez-y les dents, là. Hein? Il a l'air d'un imbécile, il a 3 dents. Il a l'air d'un imbécile, ça. Bon... Il a l'air hagard, là. Ça a l'air d'un imbécile, ça, le côté hagard, là. Le monde n'aime pas ça, là. Il est bizarre. Il vient d'ailleurs. C'est un Québécois. Ces gens-là sont jamais branchés, hein? Tu es un Canadien, Québécois, Montréalais, un étudiant, rouge, coré bleu, coré vert, coré, coré, coré débé, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ma petite jument. Deux gros jambons s'en va marchand. Ah ouais, ma petite jument. Ouais, ouais, ah ouais, c'est la winter, ouais, la petite jument. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, monsieur, oui, lâchez-moi la douane, moi, là, là. Alors, vous m'avez connu grâce à mon émission Errance Rédaltine à CKRL au 89.1, la radio des... Oh! Non, ça s'appelle plus la radio des... Non. C'est la radio qui a du goût. Non, c'est la radio qui sait tout. Non, qui voit tout, qui connaît tout, qui veut tout à fait vous divertir. Eh, ça serait bon qui voudrait... Non, qui veut tout à fait vous divertir. C'est KRL. En tout cas, mon émission, c'est son but. C'est sa manœuvre. C'est sa façon de voir la vie. Et je suis très heureux de vous rencontrer parce que de vous revoir, puisque je me suis arrêté quelque temps. Ça paraît pas, je sais, il y a une continuité à chaque semaine, mais je fais des émissions pour pouvoir, à un moment donné, m'en aller et revenir, puis me reprendre le micro. Nos sangs coulent chacun pour soi. Ils bougent, petits chevaux rouges. La la la la la la la la la la la la la la la la la. L'île se mêle sur le gravier. La la la, petit chevau noir. Aujourd'hui, je rencontre l'auteur, compositeur, interprète, un ami de Georges Moustaki, Éric Vincent, qui a fait sa tournée d'adieu en 2024, en été 2024. Donc, à toi, l'artiste, Éric Vincent. San Diego, va tout droit au pays des sombreros. Tu verras, il fait chaud et les filles sont belles. Oh, Mexico, du Yucatan jusqu'à Hermosillo, tes chevaux nous entraînent au galop et moi je rêve tout haut. L'Amérique n'est pas tout ce qu'on croit dans la jungle des villes, chacun font la loi. Petite muchacha, dis pourquoi tu pleures. Oh, Mexico, des mariachis jouent parfois un nouveau marimba sous les jacarandas. Je me réveille là-bas. Avec le soleil plein les yeux, qui jongle et danse rien que pour un peso ou deux. Et la tequila ou la flot au son de charango. Oh, Mexico, je n'aurai jamais le temps, la nuit tombe trop tôt. Embuscade, mescale, c'est fatal, je m'écroule KO. Oh, Mexico, de dompter tes chevaux. Oh, Mexico, je reviendrai bientôt. Oh, Mexico. C'est sûr, un jour je reviens. Ah oui, c'est pas que je prépare la retraite, on fait les dernières tournées aux États-Unis, quoi. C'est les dernières. Ouais, c'est terminé. Parce que j'ai eu quand même des gros soucis de santé. Ok, et là ça va mieux? Ouais, ça va mieux, mais j'ai dégusté, quoi. J'ai eu. À cause de? J'ai eu un problème cardiaque, j'avais l'artère principale qui était bouchée à 99%. Oh. Donc j'ai failli rester sur le carreau. Allô? Ils m'ont mis un premier stent, puis trois autres, ça faisait quatre. Et puis ils m'en ont remis un autre en janvier, ça c'était il y a deux ans. Ils m'en ont remis un autre en janvier. Bon, là ça semble aller mieux, les dernières visites que j'ai faites, en vue de ma tournée américaine bien sûr. Ça va, mais en même temps j'avais eu un cancer de la prostate. Ben voyons. Ça c'est les jeunes gens comme moi. Ouais, hein? Comme moi aussi. Ben oui. Mais t'es un jeune toi. Ben 58. Ouais, tu te rends compte que t'es un jeune. Eh oui, un jeune. Moi, tu sais que je viens d'avoir 77 ans. Eh, félicitations. Félicitations. Alors, on s'accroche plus à la et vie. Et donc, non, puis j'ai eu plein d'autres petits emmerdes. Enfin, ça a été la totale. Ce qui fait que, d'abord, j'ai pris conscience. Parce que moi, je pensais que j'avais 58 ans, toujours. Ah oui. Tu vois? Dans ta tête, t'as quel âge? Dans ma tête, il n'y a pas de souci. 30 ans? Mais j'ai quand même pris conscience que... Il faut être réaliste un peu, tu vois. Je me dis, oh là là, laps de temps, donc deux choses à faire. Le bateau, on a vécu vachement bien, il faut le vendre. On a une maison, c'est ce qu'on est en train de faire. On a une maison en province, voilà, on a fait construire une piscine là-bas, c'est sympa, c'est cool. Et puis, tour d'Américaine la dernière, quoi. Et après, bon, je continue à faire de la musique, moi, toujours, de toute façon. Oui. Monsieur. Bonjour, madame. On va manger, hein? Moi, ça va être très léger parce que le midi, logiquement, je prends mon petit déj, mais là, je ne l'ai pas pris. Je vais prendre un petit truc, un petit truc léger. Qu'est-ce que vous avez Soit ça, soit omelette salade. Ou tout ce qu'il y a. Vous faites ça, voilà. Je fais ça. Voilà, bah écoute, mon omelette salade, ça m'irait très bien. Parfait, ok. Voilà, et... Ouais, non, je fais de la musique, j'ai refait depuis déjà plusieurs années. J'ai repris mon premier instrument qui était le violon. Ah oui. Et là, j'en ai fait beaucoup. Et je suis revenu à un niveau très très sympa. Je me fais les premiers violons je fais les quatre saisons de Vivaldi, je fais des bacs, tu vois. Alors avec Internet, c'est formidable parce que tu peux jouer avec David Ostrard et Yehudi Menuhin. Ah ouais, c'est ce que ça, c'est merveilleux. Hein, les gens s'invitent à toi. C'est génial, quoi. Ouais. Non, mais je devais d'ailleurs, j'avais un projet de... Il y avait un copain qui était directeur du conservatoire de la ville de province où j'ai la maison. Et il m'avait entendu il y a deux ans. Et il m'a dit, oh, quand tu reviens, je te prends comme premier violon dans l'orchestre symphonique que j'ai. Lui, il était directeur du conservatoire et il venait de prendre sa retraite. Et il avait créé cet orchestre symphonique, tu vois. Et je te prends dans... Alors ça me plaisait vachement, ça, cette idée-là, tu vois. Ouais. Manque de bol, l'année dernière il est rentré en EHPAD, il est à moitié Alzheimer. Oh non, c'est terminé pour lui. Alors, voilà. Nos amis vieillissent et aussi on ou ils meurent, ou ils vieillissent, ou ils meurent, ouais. Voilà, c'est la vie. Hein. Ouais. Alors, ben voilà, quoi, donc ça, plus, moi je referai peut-être... J'ai un projet en 2024 de faire une tournée en Afrique, un petit coup, quoi. La dernière? Oui, probablement. Mais est-ce que tu fais... Lorsque tu as annoncé que tu allais accrocher ta guitare pour faire des spectacles, mais tu vas continuer à faire du studio? À faire des albums studio? Je ne suis pas sûr. Okay. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait... Là, tu veux le vivre. J'ai pas écrit beaucoup ces derniers temps. Et je crois que j'ai écrit une très très bonne chanson qui est de circonstance, qui s'intitule « Les années passent ». Et j'avais tellement pas l'intention de rentrer en studio à nouveau, je l'avais proposé à... parce qu'elle collerait parfaitement, c'est une très très bonne chanson, elle collerait parfaitement à Bernard Lavillier, qui est un vieux copain à moi. Mais bon... Comme il est auteur, il risque d'être un peu... Ouais, et donc voilà, mais enfin, on devait se revoir, il a eu des problèmes de santé aussi. Oui, aussi, ouais. Mais donc, on sait jamais, peut-être que j'enregistrerai ça, tu vois, donc j'en sais rien. Moi, ce que je ferais bien, tu sais, j'ai un pote qui est un merveilleux ingénieur du son à Paris, qui, pour moi, j'ai la chance d'avoir travaillé, j'ai travaillé avec Dominique Blanc-Francard, qui vient d'écrire un bouquin, paraît-il, parce que c'est l'autre qui m'a dit qu'il avait écrit un bouquin fantastique sur le... Et l'autre, c'est Vincent Bruno. C'est, pour moi, c'est les ces deux, il y en a eu d'autres de très bons, mais ça c'est vraiment le top, quoi. Je me sens privilégié d'avoir eu travaillé avec ces gens-là. Et Vincent fait les bœufs souvent, il est venu bouffer sur le bateau la semaine dernière, et une fois de plus, il s'est mis au piano, j'ai pris le violon. Dans mon fort intérieur, je me dis que je ferais bien des séances de violon. Oui. Violon derrière des chanteurs ou derrière n'importe qui, tu vois. C'est une espèce de truc, je sais pas si c'est pour faire plaisir à ma mère, qui est dans l'au-delà, bien sûr, depuis très longtemps, mais elle aimait beaucoup le violon. Et t'en jouais pas à l'époque? Si, si, bon, okay. J'en ai fait depuis, ça a été mon premier instrument, okay, okay. Que j'ai abandonné quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, mais j'étais un très haut niveau, un très bon niveau. C'est un retour aussi. Mais j'ai abandonné pour faire du rock, du twist à l'époque, toutes les conneries qu'on faisait. Pour épater les filles, voyons. Voilà. Hey. Et puis, bon, ben voilà, c'est les sensibilités de chacun selon l'âge. Et le violon, à chaque fois que je l'avais ressorti de sa boîte, chaque fois, il y replongeait aussi rapidement, parce que je me trouvais très mauvais. J'avais abandonné le violon à un bon niveau et je voulais reprendre les derniers morceaux d'un concerto de Kreutzer que je faisais. Je voulais reprendre ça et je me trouvais mauvais. Le violon, il... Et puis là, après moult essais pendant des décennies, il y a une dizaine d'années, j'ai repris vraiment quelques exercices. J'ai repris les bases pour te remettre en selle, quoi. Ouais, ouais. Et ça a été très positif parce que là, aujourd'hui, je me sens des ailes. Et je me sens pas mauvais. Donc, et voilà. Avec cette espèce de chose qui me convient bien dans ma philosophie, cette espèce de sens de l'absurde, parce que même si je te dis que ça me ferait plaisir de faire du studio, mais j'ai vraiment le sentiment de faire, de travailler beaucoup sur un instrument et que ça ne me servira jamais, entre guillemets, professionnellement. Pour me faire vivre ou tout. C'est l'absurde, quoi. C'est l'inutile. Oui, mais aussi tu retournes aux sources. C'est l'inutile qui est subi. Oui. Bah, une omelette salade, moi. À quoi vous voulez? Vous les faites comment? Avec des petits lardons, avec quoi? Alors, hop, vous avez tout ici. Regardez en bas. Vous pouvez pas me simplifier ça? Me faire un petit résumé qui va me convenir. Vous avez nature, jambon, fromage, jambon, fromage. Nature. Non, jambon, un petit peu de jambon. Juste jambon, voilà. Et le menu du jour? Vous avez un poulet façon grand-mère, c'est-à-dire c'est un poulet mariné avec des oignons, des champignons et des lardons. Je vais prendre un steak. Avec du riz. Un steak frites. Un steak frites, la cuisson? Bleu. Bleu? Est-ce que vous voulez une petite sauce avec? Oui, s'il vous plaît, mais pas avec, pour que je puisse tremper. Non, c'est dans un ramequin. Ok, parfait, oui. Est-ce que tu veux un petit vin? Toi? Moi, je prends un chinon. J'allais le dire, écoute, ah, ici, ben voilà, on peut prendre. D'abord, j'adore les vins de Loire. Je suis plus saumur champigny, souvent dans mes habitudes, mais j'adore le chinon. J'adore le chinon. Non, mais on est au chinon, on va prendre le chinon. Quel format? Un verre de 14, un verre de 20 centilitres ou un pichet de 50? À deux, un pichet de 50. Il y a une totale qui me pas la bouteille. Non, moins un verre ballon, quoi. Choisissez. Pas trop. Non, le un plutôt. Le plutôt, oui, parce qu'on est. À midi, je prends plutôt mon café au lait. Moi, un petit peu plus. Ouais, vous m'avez dit quelle sauce? Poivre, miel, champignon, roquefort ou dernier? Le dernier. Saignant? Bleu. Quand tes cheveux prendront la neige, sur ton front au sillon creusé, et que tu feras des arpèges sur la harpe du temps passé, tu seras digne d'être mère en ton ventre désabusé, tu seras belle et patinée avec un restant de chimère. Et tu sauras, quand tu sauras, quand tu sauras pourquoi on t'aime, on t'aime. sera loin le joli temps de ces trottoirs aux couleurs vives où l'on mendiait un peu d'argent en dessinant une autre rive. Il sera un peu déplumé ton chevalier à la crinière avec qui le vent un café. Tu faisais le tour de la terre. Mais tu sauras, mais tu sauras. Oui, tu sauras pourquoi. Ta fille aura 17 ans et qu'elle fera ses premières armes sous le ventre d'un étudiant. Épargneras-tu tes larmes quand elle ira planter ses dents dans les fesses de la morale. Te souviendras-tu d'un printemps où les pavés menaient le bas. Quand tu sauras, quand tu sauras pourquoi je t'aime, je t'aime. Oui, donc tu vois, c'est un peu, voilà, mais c'est satisfaisant de faire un truc sans, qui n'est pas un truc qui va te nourrir, tu vois, j'ai un copain, j'avais un copain québécois qui a été, je ne sais pas si tu le connais, parce qu'au Québec, qui a été une vedette en France. Quand j'ai débuté, on a débuté ensemble, lui un an avant moi, on était vraiment très amis. C'est Florent, ça te dit quelque chose? Florent qui? Alors, en France, c'était Florent. Sous le nom de Florent, il a fait l'Olympia, il a fait Bobino, il a... À l'époque de Félix? C'était... Oui, il était plus jeune, Florent. Florent, il est... Et Florent, son vrai nom, c'est Florent Veilleux. Et Florent Veilleux, alors, ça va t'intriguer, tu vas peut-être aller chercher sur... Oui. Florent Veilleux, il avait beaucoup de talent. Et il a fait son succès en France, son premier succès, il en a fait beaucoup, en 1966-67. Oh, lors de ma naissance. Avec une chanson qu'il n'avait pas écrite, qui était une chanson de Michel Choquette. Oui. Que Michel Choquette avait enregistrée sous le nom de Gabilius Côté. Gabilius Côté. Et sa chanson s'appelait « La jeunesse d'aujourd'hui ». Elle a été reprise d'une façon que je n'ai pas trouvé très bonne, désolé si elle m'entend, mais par une chanteuse québécoise à l'époque. Qui est? Je ne me souviens plus de son nom. Tu vois, j'ai tendance à oublier, je ne vais pas m'étendre sur la critique négative. Mais Florent a repris cette chanson et c'est vraiment la meilleure version. Alors tu regarderas sur Google, Internet, tu tapes Florent, la jeunesse d'aujourd'hui. Parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous autres, dans notre temps, on aimait nos parents. Le respect des aînés, c'était quelque chose de sacré. Je vous dis que ça a changé, que depuis quelques années, on n'a plus les enfants qu'on avait dans notre temps. Ça rentre, ça sort, ça nièce partout. Niaiser, ça veut dire perdre son temps. En niaiser, c'est en emmerde. Le soir, ça se couche tard, ça mène des vies de fou. Puis à part de ça, que ça fume, que ça boit, que ça se ruine la santé, ça bouffe toutes, ça embarque toutes les lois, ça bouffe du curé. Parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, c'est la, cette fameuse chanson. C'est bon, c'est excellent. Voilà. Mais tu vois, je me souviens de ça, c'était mon ami Florent. Et alors, Florent, qui a brûlé la vie, je suis content de parler de lui, parce ouais, que c'est un personnage... tu sais mon amitié avec l'amitié que j'avais avec Georges Moustaki. Oui. Et Georges connaissait Florent, mais ne le connaissait pas bien personnellement. Et quelques années avant sa mort, on parle comme ça. Et je recevais un mot de Florent. Et j'ai parlé de Florent à Georges. Et je lui ai montré les choses qu'il faisait. Et Georges a été très impressionné par la poésie parce que Florent a écrit beaucoup de choses aussi. Il a fait beaucoup de disques. Il y a eu beaucoup de succès en fait. Et alors, l'étonnant, c'est, le problème, c'est que, je ne vais pas dire comme tous les artistes, mais comme certains, il n'avait pas tout à fait le sens de la mesure, quoi. Il tombait dans les excès, okay, il collait énormément, et il s'est abîmé la santé. Ouais. Il s'est abîmé la santé à tel point que... après un succès qui... C'était vraiment un envol, Florent. Il était le chouchou de Guy Béard, qui avait une émission qui s'appelait Bienvenue chez Guy Béard à la télévision. Oui, oui. Et il était toujours dans ses émissions. On peut, par l'INA, retrouver beaucoup d'émissions de Guy Béard où tu verras, où tu trouveras Florent. C'est, alors là, c'est Florent. Il n'y a pas le mauvais yeux, n'existe okay, pas. Ouais. Il était connu sous le nom de Florent. Une chanson de Florent, pour que je puisse avoir un lien. Florent... La chanson. La jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse la jeunesse d'aujourd'hui, Florent, mais tu le trouveras tout de suite. Hein, oui. Où il y avait. C'est la saison des grèves, tu vois. Il était visionnaire. Il était étonnant, Florent. Étonnant. Et avec un petit côté, on l'a souvent comparé à Bourvil dans la sensibilité, mais avec un côté un peu plus. Il était assez étonnant. Il était drôle. Il était. Mais alors donc, cet excès de boissons l'a amené. L'a amené à une déchéance qui fait qu'il a quitté la France et puis il est rentré au Canada, au Québec, oui, à Papineau, où il a créé un atelier. Alors c'était un type, son premier métier avant de chanter, très jeune, enfin il avait quelques diplômes d'ingénieur électronique et il avait des talents dans ce sens-là, et il a créé une œuvre. Alors là, les Québécois en ont parlé, parce qu'il est mort, Florent, il est mort au mois de janvier, l'âge de 2023. Et il a créé, donc, il y a déjà quelques, je crois que c'est 30 ans, une œuvre, il a démarré une œuvre, il s'est dit pataphysicien, et il a créé les objets de l'inutile. Qui était un message. Oui, ça me dit quelque chose. Là. Les objets de l'inutile. Oui. Un message contre le gaspillage. Oui. Il récupérait. Avec je connais, il a créé des œuvres, mais époustouflantes. Oui. Et je pense. C'est de l'art brut. Son œuvre existe toujours sur moi, son atelier à Papineau. Ouais, et il a exposé à New York avec un grand succès. À Montréal, on en a parlé quand même, tu vois. Oui. Florent Veilleux. Il a fait un documentaire télévisuel. Oui, sûrement, c'est Florent Veilleux. Oui. Et donc, il nous a quittés au mois de janvier. À l'âge de 70 ans passés. Pardon? À l'âge de 70 ans. 81 ans. Il était un petit peu plus âgé que moi. Ouais. Denise Bombardier, est-ce que tu connais? Denise Bombardier? Le nom me sonne familier, oui. Une intellectuelle qui a passé souvent à Pivot, elle est décédée avant-hier. À l'âge de 80. Oui, je ne connais pas bien, mais une intellectuelle j'ai dû voir. Québécoise. Oui. Amie de Pivot et tout ce monde-là. Oui. Ouais. Mais toi, lorsque tu as décidé de faire ta dernière tournée états-unienne, est-ce que tu as eu des pincements au cœur ou tu le fais avec nostalgie? Pincement au cœur, c'est... Je me suis dit, tu sais, j'ai arrêté. Alors, c'est drôle, la vie, tu vois, parce que fin 2019, le Covid arrive. J'étais en tournée aux États-Unis, moi, en octobre-novembre. Une tournée qui a marché formidablement. J'en ai fait pendant 40 ans. J'ai fait... C'était ma 40e année de tournée. Et j'ai dû faire entre 45 et... Parce qu'il y a des années, c'était avant September 11, parce qu'après après les problèmes des États-Unis, des attentats le 11 septembre, parce qu'à partir de cette date-là, Les Américains sont devenus très draconiens pour les visas. Mon visa de travail, il me fallait 6 mois pour obtenir. Donc pas question de faire 2 tournées dans l'année. C'était un parcours du combattant insensé. Mais avant, ça m'arrivait de faire 2 tournées dans l'année. Donc en 2019, c'était peut-être ma 45e tournée aux États-Unis. Peut-être. Mais au moins 40e, j'y allais tous les ans. Et je rentre en France, le Covid nous tombe sur la gueule. Et comme tout le monde est un petit peu confiné, tu te souviens de cette époque. Malheureusement, oui. Donc j'en profite pour revoir. J'avais eu des petits soucis. Voilà, on va laisser la dame nous servir nos chinons. Merci. L'intérêt est bon, hein. Et donc. Ah non, mais sinon, le nom, il faudra que ça change. Tiens, la tienne, Rénal. À la musique et à ta. À la musique, à nous. À ta tournée, à ta dernière tournée. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça passe c'est au bon, droit. C'est bon. Ça passe au droit. C'est bon. Excellent. Et alors, j'avais eu des petits soucis. Bon, je pensais avoir un adénome de la prostate. Mon médecin m'avait conseillé 2 ans avant, 3 ans, de voir un urologue. Bon. Je me suis dit, tiens, je vais faire des petites visites à ces gens-là que j'aimais pas tout. Personne ne les aime. Trop rencontrés. Et puis là, le couperet est tombé. J'en ai rencontré un, puis biopsie, machin, hop, cancer de la prostate. Alors, tu prends un coup sur la gueule, là. Et puis, en même temps, j'avais des problèmes d'essoufflement, de douleur dans la poitrine. Donc voilà. Et là, il y a un moment où ça a été très grave, puisque je me suis retrouvé. Quand j'ai visité le spécialiste, un type formidable qui m'a opéré, enfin qui m'a posé le premier stent, c'était une artère bouchée à 99%, et j'ai vraiment failli rester sur le carreau, quoi. Thank you. sourire de préfète, l'éclair du don qu'on lui prête, du faux en vrai, du faux en vrai. Il prend du goût de son pinceau, un peu de bleu au ciel là-haut, pile lumière. Même si sur le coup de minuit, un coup de canon déchoupe la nuit, mais oui, coup de folie. Je reviendrai à Port-au-Prince te dire combien pour toi j'en pince, dit le chéri. Donc quelque part, tu vois, merci bien. Quelque part, ça m'a. Merci. Ça m'a sauvé la vie, cette histoire de Covid. Vu comme ça, parce oui. que, attends, je me serais retrouvé en tournée avec ces problèmes-là. Ah ouais, ouais, enfin, oui. pas le problème de la prostate. Non. Mais les problèmes cardiaques, tu vois. Ouais. Et donc ça a démarré. Ça a été toute une série de choses. Opération de la cataracte, ça c'était le bonheur. J'ai été émerveillé par les techniques. Ouais, ça a évolué. La pose hein. des stents, c'est étonnant. Tu sens rien, on fait ça par le bras. Ouais. D'ailleurs, le chirurgien me disait qu'il a été chef de clinique à Los Angeles. Il me disait, en France, on est top là-dessus. Il disait, les Américains, ils sont encore à passer par l'aine. Ouais, c'est un peu grossier. Nous, on passe par le bras. Ouais. Mais tu sens rien, c'est magique. Moi qui suis né avec des douleurs... Mais t'étais endormi ou... Localement, okay. tu voyais tout, c'est okay. tout. Et ça, tu sens rien. Moi qui suis... ma jeunesse, moi quand j'ai été opéré des amygdales ou de l'otite, c'était des douleurs effroyables, ouais. c'était des souffrances ouais. abominables. Là, tu sens rien. Et puis le lendemain, tu sors et tu marches. C'est terminé. Plus de douleur, tu vois. Ouais. Bon, j'ai eu... Voilà, mais toutes ces techniques m'ont impressionné, quoi. Et je reviens à la cataracte, c'est pareil, c'est magique, quoi. Je suis rentré au 15-20, qui est un endroit dont on ne fait plus la publicité, qui est un truc mondialement connu pour les yeux, avec le professeur Baudouin. Et je rentrais à 8h, à 10h, je revenais sur le bateau, puisqu'on est à 10 minutes du bateau, les 15-20, c'est à côté de la Bastille. Et je prenais le petit déjeuner avec mon épouse, et bon, je voyais... Mais le lendemain... Les murs que je voyais un peu crème, je les voyais blancs. Voilà. La magie, hein. La magie. Ouais, ouais. Et je ne porte plus de lunettes. Eh, parfait. Je porte parfois ces oui, petites lunettes oui. de soleil un peu fumées qui ne sont pas des lunettes de vue, non, parce que la lumière parfois oui. est trop intense. Quoi. Est intense quoi. Eh. Voilà, donc j'ai eu toute cette série. Ça a été un changement de choses, quoi. Là, maintenant... Bon, la tournée américaine, tu me demandais si j'avais eu une émotion. Non, la seule émotion, ça a été, comme je n'avais pas tourné depuis 2019, c'est la crainte, parce que je connais la capacité d'oubli de l'être humain. Ah oui, aussi. Et particulièrement aux États-Unis, où on tourne vite les pages. Et je me suis dit, j'espère que... qu'il y a une possibilité de refaire une tournée, que les gens vont encore m'engager, okay, bah oui, se souvenir de moi. Mais t'es un guichet fermé souvent. Et là, oui, et là, c'est formidable. Là, j'ai un beau résultat et ça me fait vachement plaisir. Quoi. Alors, ça va m'émouvoir sur scène parce que c'est vraiment c'est du bonheur. Adieux, c'est une drogue, hein, tu sais, quand on chante sur scène. C'est vrai, c'est une petite mort. Ah. Mais quand c'est guichet fermé, est-ce que tu représentes une autre date où c'est terminé dans la même ville ou dans la même institution? Ah ça, alors, notamment il y a une ville, il y a Birmingham dans l'Alabama où c'est guichet fermé. Mais guichet fermé, je chante toujours, enfin, j'ai fait d'autres concerts à Birmingham, mais Birmingham c'est une ville où j'ai tourné tous les ans. Okay. Et quand je faisais deux tournées dans l'année, c'était deux fois Birmingham. On reconnaît dans la rue à Birmingham, pas tout le monde, mais ça m'est arrivé. Oh, oui. Ça m'est arrivé, ce qui est beaucoup plus souvent qu'ici à Paris. Ouais, mais c'est fou, hein. Voilà, bon. Et la salle où je me suis produit, Altamont, je me suis produit majoritairement pendant ces 40 années, elle est, enfin la nouvelle salle, parce que la salle a été refaite depuis au mes fil débuts. Des années, ouais. Oui, mais elle contenait 750 places. Et là, j'ai appris que c'est sold out, c'est complet. À guichet fermé, oui. Mais à guichet fermé, pardon d'employer les mots anglais alors pas grave. Qu'on est au Québec. Bah, non, attends, je suis là. Je suis là. Tellement heureux d'avoir là. Les Québécois sont formidables pour ça. On ramène. Ils remettent les pendules à l'heure. Oui. Ouais. Mais en fait, là, cette fois-ci, ça ne sera pas 750, ça sera probablement, j'en sais rien, mais j'imagine 1500, puisque c'est debout. Ils enlèvent les chaises, okay. Les fauteuils. C'est une salle qui peut... Pour accueillir plus de monde. Voilà, voilà. Et donc, ça sera formidable. Formidable. Mais comme c'est un spectacle quand même de 60 minutes, peut-être un peu plus. Oui. En règle générale, c'est où un concert en deux parties, où je fais une heure entre actes et trois quarts d'heure. Mais là, la plupart, ça va être des concerts d'une heure au maximum. Une heure, oui, une heure. Et puis je vais ménager même. Je vais pas me ménager, ouais. Mais bon, j'ai des. Tout ça, c'est la forme. Oui, je suis en train de me remettre en forme. J'ai. Parce que là, après une heure, tu vas peut-être sentir une fatigue ou quelque chose. Mais je me remets en forme. En faisant quoi? En marchant? En nageant dans ma piscine en Mayenne ou dans la maison. Et puis en marchant. J'ai une montre adéquate, comme oui, tout le monde ça, là. Ouais. Et je surveille mes pas. Okay. Mes pas, mes efforts, mes machins. Et je m'efforce de... Je me botte un peu les fesses pour... Est-ce que tu as changé de régime de vie? En dehors de ça, pas vraiment, mais par la force des choses, oui, un peu, je veux dire, on ne cavale plus tout à fait pareil quand on subit des... trop de choses, quoi. Hein. On boit moins, on se pose plus, on dort mieux. Sur ce plan-là, bon, moi, j'ai jamais été trop client des alcools forts, des choses comme ça. Juste le pinard. En revanche, je bois le pinard à table. Ouais. Et ça, j'essaie de modérer un tout petit peu, mais bon, j'étais pas dans un excès non plus. Le midi et le soir. Non, le midi, je prends mon petit... En fait, on fait... Mais j'ai toujours fait ça. Depuis, à l'époque du cabaret... Là, c'est une exception, là. C'est une exception. À nous. À la tienne encore. Oui, à l'époque du cabaret, tu sais, les cabarets, on était sur scène à minuit, hein, voire plus tard, quelquefois. Et très souvent, on allait souper. On allait souper au hall, ou on allait prendre un... Tu vois. Et on se levait à midi. Oh, oui. Et on faisait le dîner le soir, donc le petit-déj à midi. Alors par la suite, j'ai continué ce rythme-là, sauf que je ne soupe plus dans la nuit, mais je continue à me coucher, moi. Je me couche un peu plus tôt, mais pendant longtemps, je me couchais entre 3 et 4 heures du matin. Oh. Et je ne me levais plus à midi. Mais je dormais 7 heures, quoi, 8 heures. Là, je continue à me coucher. C'est un peu plus tôt, c'est 1 heure ou 2 heures du matin, parfois 3 heures. Mais c'est quand même... je continue ce rythme-là. Je me lève en revanche vers 9 heures et on prend un petit-déj. Un petit café comme ça, et puis je reprends un petit déj à midi, espèce de petit brunch léger, voilà, et un repas le soir. Donc le pinard n'a sa place que le soir. Alors nous sommes le soir. Nous sommes le soir. Sauf exception, quoi. Merveilleux. On va pas se mentir, on est midi, aussi, mais on fait une exception. Il faut en profiter. Oui. Puis c'était ton anniversaire il n'y a pas si longtemps. Ah, je vois qu'on suit les... Ben oui. Est-ce que ta femme va bien? Est-ce qu'elle a de la santé, elle? Elle, ça va, et bien il faut, oui, parce que... Ouais. C'est elle qui te soutient un peu. Ouais, non, mais elle a bien assuré, oui, formidable, ouais. Mais vous êtes ensemble depuis longtemps. C'est une histoire de vie. Mmh. 40 ans, 30 ans. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, je ne sais. Je suis incapable de te dire exactement. À chaque fois, je fais appel à elle pour qu'elle me dise. Parce qu'on s'est mariés, donc je me dis, à quelle époque on s'est mariés? Et je suis incapable de dire, je pense que c'est 87, mais j'en suis pas sûr. Jean-Pierre Ferland dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Absolument. Enfin, avec elle, c'est une histoire. C'est une histoire un peu amusante parce que. Vas-y. En fait, ce fut un amour de jeunesse. Mm-hmm. Pardon. Oh. De monopoliser le pain. On s'est connus. Elle avait 18 ans. Elle était fille de diplomate, qui était consul de France dans différents pays dans le monde. Et donc, c'est au cours d'un de ses passages en France, parce que mes parents avaient un pied à terre à Paris, que je l'ai rencontré comme ça. Et ça a été un coup de foudre. Et l'intéressant là-dedans, c'est que bon, elle est repartie avec son père. Donc ça devait être, j'en sais rien, au printemps. C'est-à-dire qu'elle, elle était venue à Paris. Elle était à l'école d'attaché de presse, je crois bien. Et les parents sont revenus l'été. Et en septembre, le père a été nommé comme consul de France à Madagascar. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'elle est repartie avec son père, en fait. Elle est repartie avec son père. Et moi, qui n'avais jamais mis les pieds en dehors de France, qui n'avais jamais pris un avion de ligne, et parce que j'avais piloté, j'avais un copain qui était chef pilote, j'avais commencé à piloter un peu les petits avions, Jodel et puis Rally. Et donc, elle part avec son père à Madagascar, et moi, je mets tout en œuvre pour aller la rejoindre à Madagascar, et pour ce faire, j'avais pas un rond. J'étais un jeune artiste qui travaillait, qui faisait les cabarets, où on était payé 15 balles, je parle en francs, tu vois, c'était les salaires des cabarets, c'était vraiment minable. Ça payait le ticket de métro. Et donc, la seule solution pour aller la rejoindre, c'était d'essayer d'aller chanter à Madagascar ou dans les pays voisinants. Les pays voisinants, c'est les Mascareignes, c'est l'île de la Réunion, l'île Maurice, les Comores, les Seychelles. Et... peut-être vrai, mon cœur était en peine quand je t'ai rencontré. Je m'étais bien promis, quels qu'en soient les détours, d'accueillir les amis et refuser l'amour. Sortais d'un naufrage après 5 ans d'erreur. Mes yeux n'avaient plus d'âge, mon cœur plus de rumeur. Les filles de passage pouvaient être jolies. Je quittais leur rivage quand s'en allait la nuit. Comme un trou, j'étais comme une épave, exhibant à sa proue une plaie qui s'aggrave. Et toi, la moins jolie de mes amours bâclés. Tu m'as donné ta vie sans rien me demander. Je te trouvais vilaine, c'était peut-être vrai. Mon cœur était en paix quand je t'ai rencontré. J'ai cru en l'amitié, ça j'y croirais toujours. Mais aujourd'hui je sais qu'il s'agissait d'amour. Hop! Me voilà parti à écrire. Guitare, ouais. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, hein, donc on écrit à tout le monde. Et je reçois une réponse d'un impresario mauricien qui est intéressé. Et on réussit à monter une tournée. On est à quelle année là? On est en 1969. Et la tournée se fera. Fin 69, début 70, je ne sais plus si on sait. Tout de suite, voilà. Enfin, tout de suite. Oui, ça, j'ai mis en œuvre en septembre. Et étant piloté par l'île Maurice, se sont greffés Madagascar et La Réunion et les Comores. Ça a été formidable. Ça a été ma première tournée pour aller rejoindre ma dulcinée. Première tournée dans l'océan Indien. Je suis arrivé, première chose. Je l'ai retrouvé, oui. Mais au bout de 8 jours, l'histoire n'existait plus. Les jeunes filles n'attendent pas au-delà de quelques mois, donc elle avait trouvé quelques fiancés. À côté. Bref, et donc ça a été alors. Voilà, les larmes, l'envie de me jeter dans l'océan Indien. Enfin, rassure-toi. Non, mais c'était... Ok. Voilà. Ouais, okay. En revanche... Point, en revanche, j'ai fait une tournée formidable qui m'a ramené 6 mois après une deuxième tournée. Parce que ça a été un tel succès, mais ça a été extraordinaire. Et tu chantais tes propres chansons? Mes propres chansons, absolument. Alors qu'en France, depuis 1967, c'était... entre 3 et 5 chansons, plutôt 5 chansons, avec Johnny Hallyday, avec Claude François, avec Gilbert Bécaud, avec... on faisait les premières parties de ce qu'on appelait à l'époque les galas. Ouais. J'étais vedette anglaise, j'ai commencé par Levé de torchon, 3 chansons. Mm-hmm. J'ai beaucoup tourné avec Bécaud dans toute cette période-là, voilà. Ça, c'est le premier chanteur. Mais après, j'ai 3 chansons. Après, vedette anglaise, on en faisait 5. Et on était avec Guichard et Sardou, trois copains qui faisions les premières parties de tous ces spectacles. On était très souvent accompagnés par le trio qui accompagnait un groupe de filles, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu as entendu parler, qui avait un beau succès. Elles étaient la vedette américaine, c'est-à-dire celle petite vedette qui passe juste avant l'entracte. C'était les Parisiennes. Non. Qui chantait « Il fait trop beau pour travailler ». Ah oui, voilà, oui, ben Parisien, oui. Avec Claude Belly. Mais là, on avait le trio, une quatuor d'orchestre qui nous accompagnait, nous, toute la première partie. Et alors, bon, j'étais habitué à ça. Et puis là, tout à coup, à l'île Maurice, La Réunion et Madagascar, je me retrouve avec des concerts d'une heure. Une heure et quart, tu vois. Mais avais-tu assez de matériel pour faire ça? Ah ben, Isabelle. Ah oui, les chansons, oui. Toi, c'était tes propres chansons, là. Oui, tout à fait. Oui, tu avais beaucoup de matériel en 67, 68. J'avais commencé... parce que j'avais un producteur qui m'a, Marcel Marouani, qui m'a dit oh, « tes chansons, c'est bien pour le cabaret, moi je vais te trouver les auteurs qui sont connus pour le disque. » Ouais. Parce que c'est vrai que la chaîne, c'est la chaîne, et le disque, c'est le disque. Oui, mais enfin bon, je ne suis pas sûr qu'il avait raison, mais peu importe. Donc c'est vrai, bon, ça a été sympa, parce que les chansons, elles ont été écrites par Armand Canfora, qui avait écrit Salade de fruits, qui est un vieux succès du temps passé. Oui, Salade de fruits. Voilà. C'est chanté par Bourville. Par Bourville, voilà. Exactement, Armand. Jos Baselli, qui était un musicien. Oui, mais tu n'écrivais pas tes propres chansons. Si, je les écrivais, okay. Mais Marouani m'avait dit, ces chansons, c'est bien pour le cabaret. Mais pas pour le spectacle. Ce qu'on va enregistrer, je parle de disques, là. Oui, OK. Ce qu'on va enregistrer, on va le faire avec des chansons écrites par des auteurs. Et il y a eu Jos Bezzelli, Armand Campora, Michel Jourdan. Puis il y a eu un jeune auteur qui venait d'écrire un énorme succès, enfin qui a écrit un énorme succès dans les mêmes temps, qui s'appelle Boris Bergman, et qui a écrit Rain and Tears et tout ça. Et Boris. Tout ça, c'est avec son groupe, Aphrodite. C'est voilà. Aphrodite Child, voilà. Ouais. Voilà. Il a écrit. Son tube. Alors il a écrit toutes ces chansons-là. Ça l'a popularisé. Il a écrit pour toi. Il a écrit pour moi, oui. Boris, oui. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces chansons-là? Bien sûr. Le chercheur dehors, c'est Boris Bergman. Oui. Si je veux m'acheter le CD, est-ce qu'il existe? Parce que moi, je suis à l'ancienne. Hein? Non, ça n'existe pas? Non. Peut-être en 33 tours, en 45? Sur Amazon, des trucs comme peut-être. Ça? Peut-être. Okay. Peut-être. Parce que moi, je veux avoir... Peut-être. Et là, tu ne les chantes plus, ça, là? Non. Parce que tu veux proposer ton matériel. Mais quand j'ai fait ma tournée à l'île Maurice à Rio-Madagascar, il y avait un mélange de mes chansons écrites, que j'avais écrites. J'avais beaucoup écrit avec Jean-Paul Sèvres à l'époque. On s'était rencontré avec Jean-Paul en 68 et on a écrit beaucoup de chansons ensemble. Ça a été c'était mon alter ego. Ouais, ouais. Et donc, mais il y avait ces chansons de disques. Hein. Il y avait Le Chercheur d'or qui a été un succès à La Réunion. Et j'ai eu une chanson qui s'appelle Benares, qui a été un succès énorme dans l'océan Indien, chanson que j'ai écrite avec Jean-Paul. Okay. Alors, donc, pour moi, c'était extraordinaire d'avoir un public. Il y a des articles, j'ai un article de presse sur mon Facebook qui dit il y avait 8 rappels après un concert, tu te rends compte? C'est extraordinaire. Et alors, ils m'ont fait revenir, après cette première tournée qui a été un énorme succès, ils m'ont fait revenir en me demandant de choisir une chanteuse pour venir, et j'avais choisi Isabelle Aubray. Oh. Et donc on a fait cette tournée au mois d'août 1970 avec Isabelle, et puis il y a eu un accident, un accident de voiture. Avant d'aller prendre l'avion, après la tournée mauricienne, on prenait l'avion pour La Réunion, et l'impresario à côté duquel était Isabelle dans la voiture, lui conduisait. Non, mais il s'est pris une bagnole, il y a eu un accident, quoi. Elle n'a pas été gravement blessée, contrairement à des accidents qu'elle avait eu avant, qui l'avaient handicapée. Ah oui, elle en est plusieurs. Mais son agent Gérard Metz avait été très blessé. Elle était derrière elle. Gérard était à la place du mort, ce qu'on dit la place du mort, à côté du conducteur. Okay. Et elle a arrêté la tournée à Maurice après cet accident. Moi, j'ai continué sur Madagascar, sur La Réunion et Madagascar. Est-ce que tu l'as remplacé, non? Non, je fais là-dessus de la tournée tout seul. Et ils m'ont fait revenir encore 6 mois après, donc 3 fois en un an, pour le Festival de l'Océan Indien. Oh, c'est bon, non? Où là, j'étais avec Hugo Frey, mais on était... Il voit très bien Hugo Frey, c'est incroyable, hein? Il fait encore des chansons, des spectacles. Incroyable. Et il a la bouille, hein. Il est étonnant. Je l'ai vu en spectacle à Québec, là. Ah oui? Ah oui, oui. Avant la COVID, donc en 2018. Il faisait sa tournée d'adieu, lui. Et quand même, il est rendu à 86, 87 ans. Là. Tu plaisantes? Mais non. Il a plus de 90 ans. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça. Ah oui, c'est... Ouais. Oui, en 2019, il avait peut-être 87 ans. Oui. Il était avec sa copine, c'était merveilleux. Il a rencontré il a fait un spectacle à Montréal où Gilles Vigneault était là. Ils ont pris des photos avec sa copine, très belle jeune fille aux cheveux roux. Elle est très maternelle envers Hugo Frey. C'est un vieil homme, c'est une jeune fille. Donc, c'est quelque chose d'hyper touchant. Et lorsqu'il reprend ses chansons, il s'est adonné à faire 2 albums sur Félix Leclerc. Donc, il a fait facilement 10 chansons de Félix Leclerc. Puis le reste, c'était une 15aine de chansons de son répertoire. Et ça terminait avec Monsieur le professeur. Tout le monde chantait, l'émotion. Il pleurait parce qu'il savait très bien qu'il ne revenait plus à Québec. C'était son dernier spectacle. Donc, quand il a dit à la fin, il dit « Merci beaucoup et je nous souhaite à la prochaine. » Et là, il... Ah oui, alors ça, bon, c'est sûr que je risque de tomber dans certaines émotions avec les États-Unis, ça va être fort. Mm. Est-ce que tu parles en anglais ou en français? Sur scène, je parle en anglais. Je ne chante qu'en français. Je parle en anglais parce que je raconte des trucs, tu vois, il faut que... Mais est-ce que tu racontes tes chansons en anglais? Qu'est-ce que ça veut dire, non? Non, je raconte des anecdotes. Je raconte des anecdotes qui les branchent, quoi, tu vois? T'as mis du mauve sous mes paupières, comme un rayon de lune la nuit sur la mer, comme un mirage au milieu du désert, comme une fleur qui s'ouvre devant la lumière. Ah, tu as fait renaître en moi l'envie de vivre, l'envie de te suivre. Même si ton île, c'est pas le Brésil, voudrait partir. L'oiseau qui emporte sans escorte ma pensée se posera-t-il comme je le souhaite à tes côtés? Ah, je voudrais m'élever comme une bulle de savon, léger comme du coton, et suivre d'un coup d'aile l'hirondelle qui s'en va vers toi. L'aube se lève, cirise la rosée, comme un des larmes bleues que la nuit a versées. Et moi je rêve, figue et vin rosé, sur un rivage blanc où tu es allongé. Noyer encore au fond de tes yeux clairs, plus clairs que la mer, et vaguer à ton âme comme une algue aux alizés, le vent qui emporte sans escorte ma pensée, caresse ton corps, le couvre d'ambre et de baisers. Ah, je voudrais d'un bond franchir les océans, tout comme un ouragan, et au creux de ton corps sombrer encore comme un enfant s'endort. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.